Troisième partie, chapitre 1 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Troisième partie, les avis nécessaires sur la pratique des vertus. Chapitre 1, du choix qu'on doit faire des vertus. Le roi des abeilles ne se met point au champ qu'il ne soit environné de tout son petit peuple, et la charité n'entre jamais dans un cœur qu'en reine, suivie de toutes les autres vertus qu'elle y place et arrange selon leur dignité, et qu'elle fait agir en réglant toutes leurs fonctions à peu près comme un capitaine règle ses soldats. Mais elle ne les fait agir tout à coup, ni également, ni en tout temps, ni en tout lieu. Le juste, dit David, est semblable à un arbre, étant planté sur le bord des eaux, il porte du fruit en son temps. Parce que la charité, animant son cœur, lui fait opérer beaucoup de bonnes œuvres, qui font les fruits des vertus. Mais chacun en son temps et en sa place. Tâchez donc de bien entendre ce proverbe de l'Écriture. Quelque charmante que soit une musique, elle est incommode et désagréable dans une maison de deuil. Il nous exprime le grand défaut et le contretemps de plusieurs personnes qui, s'attachant à la pratique d'une vertu particulière, veulent opiniâtrement en faire les actes en toute rencontre. Semblable à ces philosophes dont l'un voulait toujours rire et l'autre toujours pleurer, mais plus déraisonnable qu'eux en ce qu'ils plaignent et blâment les autres qui ne tiennent pas la même conduite. C'est l'entendre mal, puisque le saint apôtre nous dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et il ajoute que la charité est patiente, bénigne, libérale, prudente et condescendante. Il y a néanmoins des vertus dont l'usage est presque universel et qui, ne se bornant pas à leur propre devoir, doivent encore répandre leur esprit sur toutes les autres vertus. Il ne se présente pas souvent des occasions de pratiquer la force, la magnanimité, la magnificence. Mais la douceur, la tempérance, la modestie, l'honnêteté et l'humilité sont de certaines vertus dont, universellement parlant, toutes vos actions doivent porter l'esprit et le caractère. Ces premières vertus ont plus de grandeur et d'excellence, mais les dernières sont d'un plus grand usage. Comme nous voyons qu'on se sert bien plus souvent et plus généralement du sel que du sucre, quoique le sucre soit plus excellent que le sel. C'est pourquoi il faut toujours avoir à la main une bonne provision de ces vertus générales dont l'usage doit être si ordinaire. Dans la pratique des vertus, il faut préférer celle qui est plus conforme à notre devoir, à celle qui est plus conforme à notre goût. L'austérité des mortifications corporelles était du goût de saint Paul, qui prétendait y trouver plus promptement les consolations spirituelles. Mais l'obéissance à ses supérieurs était plus de son devoir, et saint Jérôme avoue qu'elle était répréhensible, en ce qu'elle portait l'abstinence jusqu'à un grand excès contre le sentiment de son évêque. Au contraire, les apôtres à qui Jésus-Christ avait commis la prédication de son évangile et le soin de distribuer aux âmes ce pain céleste, jugèrent avec beaucoup de sagesse qu'ils ne doivent pas quitter ses fonctions pour se charger des soins de la charité envers les pauvres, quelque excellente qu'elle soit. Tous les états de la vie ont des vertus qui leur sont propres. Ainsi, les vertus d'un prélat sont bien différentes de celles d'un prince ou de celles d'un soldat, et celles d'une femme mariée de celles d'une veuve. Quoique nous devions donc avoir toutes les vertus, nous ne devons pas tous les pratiquer également, et chacun doit s'attacher particulièrement à celles qui sont les plus essentielles au devoir de sa vocation. Entre les vertus qui ne regardent pas notre devoir particulier, il faut préférer les plus excellentes aux plus apparentes, et l'on peut s'y tromper beaucoup. Les comètes nous paraissent ordinairement plus grandes que les étoiles, quoiqu'elles ne leur soient nullement comparables, ni en grandeur, ni en qualité. Elles ne sont-elles à nos yeux que parce qu'elles sont plus près de nous, et dans un sujet plus matériel et plus grossier. Il y a aussi des vertus qui paraissent beaucoup plus grandes que d'autres aux âmes vulgaires, et qui emportent toujours la préférence de leur estime. Mais la raison est que ces vertus, étant plus près de leurs yeux, tombent davantage sous leur sens, et se trouvent plus conformes à leurs idées, qui sont fort matérielles. C'est de là que le monde préfère communément l'aumône corporelle à la spirituelle, les airs et les disciplines, les jeûnes et la nudité des pieds, les veilles et toutes les mortifications du corps à la douceur, à la débonnaireté, à la modestie et à toutes les mortifications de l'esprit et du cœur, lesquelles cependant sont d'une plus grande excellence et d'un plus grand mérite. Choisissez donc, Philothée, les vertus qui sont les meilleures et non pas les plus estimées, les plus excellentes et non pas les plus apparentes, les plus solides et non pas celles qui ont plus de montres et de décorations. Il est extrêmement utile de s'attacher particulièrement à la pratique d'une vertu, non pas jusqu'à abandonner les autres, mais pour donner plus de régularité au cœur, plus d'attention à l'esprit et plus d'uniformité à notre conduite. une jeune fille d'une beauté exquise, brillante comme le soleil, magnifiquement parée et couronnée de branches d'olivier, apparut à Saint Jean, évêque d'Alexandrie, et lui dit « Je suis la fille aînée du roi. Si tu peux gagner mon amitié, je te conduirai à son trône et tu trouveras grâce en sa présence. » Le saint prélat connut que Dieu lui recommandait la miséricorde envers les pauvres. Il s'y attacha avec tant de zèle et de libéralité qu'il mérita le nom de Jean l'aumônier. Un homme d'Alexandrie nommé Euloge, désirant de faire quelque chose de grand pour l'amour de Dieu et n'ayant pas assez de force, ni pour embrasser la vie solitaire, ni pour vivre en communauté sous l'obéissance d'un supérieur, prit chez lui un pauvre tout couvert de lèpre pour pratiquer tout ensemble la charité et la mortification, mais pour les pratiquer d'une manière plus digne de Dieu, il fit vœu de respecter son malade, de le servir et de le traiter en toutes choses comme un valet ferait son maître. Or, dans la suite du temps, le lépreux et Euloge furent tentés de se quitter l'un l'autre, et ils communiquèrent leur tentation au grand saint Antoine, qui leur fit cette réponse. « Gardez-vous bien, mes enfants, de vous séparer l'un de l'autre, car étant tous deux fort près de votre fin, si l'ange ne vous trouve pas ensemble, vous courez grand risque de perdre vos couronnes. » Le roi Saint-Louis visitait les hôpitaux et servait les malades avec autant d'attachement que s'il y eût été obligé. Saint-François aimait surtout la pauvreté qu'il appelait sa dame, et Saint-Dominique la prédication, de laquelle son ordre a tiré son nom. Saint-Grégoire le Grand se faisait un plaisir de recevoir les pèlerins, à l'exemple du patriarche Abraham, et il reçut comme lui le roi de gloire sous la forme d'un pèlerin. Tobie occupait sa charité de la sépulture des morts. Sainte Élisabeth, toute grande princesse qu'elle était, faisait ses délices de l'abjection de soi-même. Sainte Catherine de Gênes, ayant perdu son mari, se dévoua au service d'un hôpital. Cassien rapporte qu'une vertueuse fille qui avait un grand attrait à l'exercice de la patience eut recours sur cela à Sainte Anastase, qui mit au prix d'elle une pauvre veuve, chagrine, colère, fâcheuse et tout à fait insupportable. De sorte que cette dévote fille, en étant perpétuellement gourmandée, eut tout le temps de pratiquer la douceur et la condescendance. Ainsi, entre les serviteurs de Dieu, les uns s'appliquent à servir les malades, les autres à soulager les pauvres, les autres à apprendre la doctrine chrétienne aux petits-enfants, les autres à ramasser les âmes perdues et égarées, les autres à parer les églises et à orner les autels, et les autres à procurer la paix et la concorde entre les fidèles. Ils imitent l'art des brodeurs qui figurent sur un certain fond avec la foi, l'or et l'argent, de toutes sortes de fleurs, dont l'agréable variété ne fait rien perdre du dessin et de l'ordonnance de l'ouvrage. Car ces âmes pieuses ayant entrepris l'exercice d'une vertu particulière, elles s'en servent comme d'un fond qui leur est propre, et sur lequel, pour ainsi parler, elles mettent en œuvre toutes les autres vertus, de sorte qu'elles en tiennent leurs actions plus unies et mieux arrangées, les rapportant toutes à une même fin, qui est la pratique de la vertu qu'elles se sont spécialement proposées. Ainsi, chacun se fait aux yeux de Dieu une robe semblable à celle que David donne à la sainte épouse, et qui était d'un drap d'or, relevé d'une riche broderie, admirablement bien diversifiée. Lorsque nous nous sentons combattus par quelques vices, il faut faire tous nos efforts pour nous appliquer à la vertu qui lui est contraire, et rapporter la pratique des autres vertus à cette même fin. C'est nous assurer de la victoire de notre ennemi, acquérir une vertu que nous n'avions pas, et perfectionner beaucoup les autres. Si donc l'orgueil ou la colère m'attaquent, il faut que je donne à mon cœur toute l'inclination et le penchant que je pourrai, pour l'humilité et pour la douceur, et que j'y fasse encore servir mes exercices spirituels, l'usage des sacrements, et les autres vertus, comme la prudence, la constance et la sobriété. Car comme les sangliers, pour aiguiser leur défense, les frottent avec les autres dents qui en même temps se liment et s'effilent, de même, l'homme qui a entrepris une vertu qu'il sait être la plus nécessaire à la défense de son cœur, doit s'attacher à s'y perfectionner par le secours même des autres vertus qui en deviennent aussi plus parfaites. Cela n'arriva-t-il pas à Job, qui s'étant principalement soutenu par la patience contre les tentations du démon, se trouva un homme parfait en toutes sortes de vertus? Et bien plus, dit saint Grégoire de Nazianze, un seul acte de vertu avec toute la perfection dont il est capable et avec une excellente ferveur de charité, a quelquefois mis tout d'un coup une personne au comble de la sainteté, et il cite sur cela la charitable et fidèle Rahab, qui parvint à un haut degré de fortune pour avoir une seule fois exercé l'hospitalité envers quelques Israélites avec beaucoup d'exactitude. Fin du chapitre 1, troisième partie.